Oh oh, tu dors peut-être. Moi je ne peux pas. Par la fenêtre, je vois la terre en bas. Ici tout me dépasse. Même le silence. Tu rêves, as-tu des envies, connais-tu la fièvre de tes envies? Le monde est tellement con, j'ai envie de partir d'ici, en aller sans raison, de plus donner son devis, de périr au combat, d'essayer d'autres vies, de perdre par hasard, d'oublier qui je suis, oublier qui je suis. Je sais que c'est ridicule, mais t'es plus fort que moi. Je me déambule, ça tourne autour de moi. Et si tout me dépasse, c'est que je suis un lâche. Le monde est tellement con, j'ai envie.